franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire tragique d'un groupe d'alpinistes amateurs à la conquête du toit du monde, persuadés, comme on leur avait assuré en bas, de pouvoir arriver sans encombre en haut, au sommet de la plus haute montagne du globe, l'Everest. Alors ils ont acheté leurs billets, comme certains achètent une place de cinéma, un sésame pour entrer dans le cercle très fermé des grimpeurs de l'extrême, ceux qui ont marché sur le point culminant de la Terre. Mais certains d'entre eux n'en redescendront jamais. Piégé. L'aventure que nous allons vous raconter aujourd'hui est la seconde plus grande hécatombe qui ait connu l'Everest avec 8 morts et celle qui a aussi le plus marqué les esprits et surtout qui nous rappelle que la montagne est dangereuse et qu'on peut payer très cher ce qu'on appelle l'ivresse des sommets. Cette tragédie nous enseigne aussi sur tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut conquérir l'Everest devenu cimetière à ciel ouvert. Comment des alpinistes amateurs se sont-ils retrouvés à gravir le plus haut sommet du monde? Pourquoi leur aventure s'est-elle transformée en cauchemar? Fraîchement revenu des hauts sommets himalayens sur lesquels il tournait son dernier documentaire, le guide haute montagne François Damilano sera avec nous en seconde partie d'émission. Il est notre invité. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius et Coy Nguyen, voix de John Krakauer, Philippe Pirard, à la technique aujourd'hui, Maxime Indran, Alexandre Chenet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Camp de base appelle sommet. La montagne n'est qu'un support pour accéder à un autre niveau de soi-même. Radio Everest en direct sur France Inter. Bref, le pied, c'est le pied, on est au sommet. Les larmes ont coulé sur certains visages. Ils ont atteint le sommet à 8848 mètres. Quand l'émotion pour certains était forte. Mais ils n'ont pas pu redescendre. Accident qui relancera sans doute les critiques. Un exploit posthume. Faire le sommet à tout prix. Parce que cette montagne est là. Il a trouvé la mort dans l'Everest alors qu'il dirigeait l'expédition vers le toit du monde. Depuis l'Himalaya à Katmandou. Il était encordé avec la corde attachée directement autour de la taille comme ça se faisait à l'époque. On sait qu'il a passé les 8500 mètres, mais après, plus rien. Les critiques sur la trop grande fréquentation du site. Nous sommes au début des années 90 et parmi les associations de grimpeurs, on s'inquiète de l'ampleur que prend un phénomène nouveau, la marchandisation de la montagne. En effet, depuis quelques mois, des guides renommés proposent à des amateurs à l'esprit plus rêveur que réaliste d'affronter l'Everest en toute sécurité. Oui, c'est marqué en toute sécurité, au prix d'un entraînement minimal et d'un coût maximal. Or, jusqu'à maintenant, à part quelques aventuriers d'exception, la montagne est un domaine réservé aux professionnels, aux aguerris. Aussi, dans le monde de l'alpinisme, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer cette commercialisation d'Everest. Emmener des foules au sommet en échange d'honoraires, c'est manquer de respect à la montagne, scandent les premiers grimpeurs de l'Himalaya. Et c'est dans ce contexte que le journaliste John Krakauer parcourt ce phénomène pour le magazine américain Outside. Sa mission, suivre au printemps l'équipe du légendaire guide néo-zélandais Rob Hall, qui se prépare à emmener au sommet de la chaîne himalayenne un groupe d'alpinistes amateurs, comme on emmènerait un groupe de touristes au zoo. Malgré tous les dangers, l'Everest continue de fasciner, d'attirer et de hanter les rêves des alpinistes, des plus chevronnés jusqu'aux plus amateurs. Oui, amateurs, le mot est dit. Depuis l'Himalaya, à Katmandou. Ils sont 10, Américains, Canadiens, Australiens, Japonais et Hongkongais. 10 aventuriers à avoir payé une somme rondelette, plus de 65 000 $, environ aujourd'hui 50 000 €. Tout ça pour se payer le luxe de marcher sur le plus haut sommet du monde, l'Everest. Il faut dire que la proposition qui leur a été faite et qu'a faite la société Adventure Consultant par ses publicités dans les magazines est plutôt alléchante. Vous avez soif d'aventure? Avec Adventure Consultants, partez en Himalaya et mettez-vous au défi de vaincre le plus haut sommet du monde, l'Everest. Publicité du magazine d'aventure. Qui que vous soyez, expérimenté en alpinisme ou non, Adventure Consultants, cela nécessitera beaucoup d'efforts. 1995. Mais faites-nous confiance pour garantir votre succès et votre sécurité. Notre objectif, vous emmener jusqu'au bout. Réaliser votre rêve est notre quotidien. Au milieu des années 90, le concept de commercialisation de la montagne commence à trouver son public. À la même période, des voix s'élèvent, car offrir le toit du monde à des néophytes en alpinisme, n'est-ce pas leur faire prendre trop de risques? Alors qu'il faut pour certains plusieurs années d'un entraînement intensif avant de se lancer dans l'ascension des plus hauts sommets, comment assurer à des gens qui n'ont jamais grimpé une échelle qu'ils vont réussir à gravir les centaines de milliers de marches qui les emmèneront en haut, comme ça, par miracle, et qu'ils feront ça sans dommage? Eh bien c'est possible, répond Rob Hall, une légende du milieu, une sommité de l'alpinisme, reconnue partout dans le monde comme un guide expert. En fait, c'est un vendeur d'expéditions pour touristes en mal de sensations. Les sommets de l'Himalaya, il les connaît et il les a déjà tous gravis, avec ou sans oxygène, en solitaire, en équipe, dans toutes les positions. Mais Rob Hall n'est pas non plus une tête brûlée. La montagne a su lui rappeler à plusieurs reprises qu'elle peut vite reprendre à ce qu'elle a donné. Son associé et meilleur ami y a d'ailleurs laissé la vie quelques années plus tôt. S'engager dans une ascension de l'Everest avec Rob Hall, c'est donc, en théorie, miser sur le meilleur lama pour y arriver. Alors, qui sont ces grimpeurs chez qui la soif d'aventure l'emporte sur la raison physique et mentale? John Krakauer, le journaliste qui accompagne la petite équipée de Rob Hall, dresse un tableau aussi ironique que préoccupant de ses camarades du camp de base. Ma première impression sur le groupe n'avait pas été favorable. Déjà parce que je ressentais leurs points faibles, mais aussi et surtout parce que je sentais que chez eux, l'excitation dépassait la raison. Ce fut le cas pour Beck Weathers, un médecin de Dallas, avec ses grandes tapes dans le dos et son expérience au-dessous de la moyenne. Il m'a paru au début comme un homme de droite, riche et vantard, uniquement désireux de s'acheter une ascension sur l'Everest pour compléter sa panoplie. Je me fis la même remarque à propos de Lou Kassich, l'avocat de Bloomfield Hills, de Yasuko Namba, la calme japonaise qui mangeait tous les matins des vermicelles au petit déjeuner, et de John Task, l'anesthésiste de Brisbane, âgé de 56 ans, qui s'était mis à grimper après avoir pris sa retraite de l'armée. Un médecin, un avocat, un éditeur, un anesthésiste, un journaliste et deux randonneuses, un postier drôle d'attelage. Le tout sous la houlette expérimentée et sûre de deux des plus grands guides de l'Himalaya, Rob Hall et Andy Harris, et bien sûr accompagné d'une dizaine de Sherpas. Ah, les Sherpas, ceux qui viennent de l'Est, en tibétain. Ces personnages mythiques du monde de la montagne, courageux, loyaux, infatigables. De par leur acclimatation à la vie en haute altitude, ils ont développé une capacité pulmonaire accrue et peuvent résister plus longtemps que quiconque. Ils sont les accompagnateurs bienveillants et dévoués de toutes les expéditions qui veulent arriver en haut de la montagne. 31 mars 1996, l'expédition d'Adventure Consultants arrive au Népal. Dans les jours qui suivent, ils quittent Katmandou pour rejoindre le camp de base à 5365 mètres d'altitude. John Krakauer y décrit alors le bourbier dans lequel il met les pieds. L'hygiène est sinistre, l'amas de détritus, résultat du consumérisme himalayen, saute aux yeux. Les bonbonnes d'oxygène utilisées par les grimpeurs sont laissées là, à l'abandon, le sol est jonché de déchets. Le contraste est saisissant avec le paysage de carte postale des magazines et la blanche pureté des sommets auxquels nos alpinistes du dimanche font face. Mais le plus dur, c'est de tenir physiquement, car la montagne est à la fois un lieu pour l'homme et contre l'homme. Malgré les nombreux signes de civilisation que présentait le camp de base, il était impossible d'oublier que nous étions à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aller à pied aux messes pour les repas me laissait essouffler pendant plusieurs minutes. Si je m'asseyais trop vite, j'étais pris de vertige. La toux profonde et tenace que j'avais contractée empirait de jour en jour. Le sommeil devint difficile, ce qui est un symptôme mineur du mal d'altitude. Presque toutes les nuits, je me réveillais à chaque fois avec l'impression de suffoquer. Mes coupures et mes égratignures ne cicatrisaient pas. Peu à peu, mes bras et mes jambes s'amenuisèrent jusqu'à ressembler à de simples bâtons. Et pourtant, dans cet environnement pauvre en oxygène, John Krakauer n'est pas le plus à plaindre. Certains de mes camarades enduraient des souffrances pires que les miennes. Andy, Mike, Caroline, Lou, Stuart et John étaient victimes de violents maux de ventre. Helen et Doug avaient de terribles maux de tête. Doug avait même l'impression que quelqu'un lui enfonçait des clous dans la tête. Ajoutons à cela des zones d'embouteillage entre les alpinistes à chaque passage rétréci, des rivalités entre les différentes expéditions et les différentes nationalités, la frénésie médiatique qui entoure les ascensions. L'ambiance est plutôt pesante et semble faire craquer un peu plus chaque jour la glace des parois himalayennes, dernier rempart qui sépare les alpinistes de la mort. Après presque un mois de préparation et d'efforts et quelques péripéties effrayeurs, notre petit groupe d'aventuriers néophytes arrive le 10 mai 1996 sur l'Everest. C'est déjà un exploit, mais ils ne sont pas les premiers. Avant eux, près de 900 grimpeurs ont déjà réussi. Et lorsque notre groupe s'élance dans son ascension, voilà près de 43 ans que l'homme a déjà gravi l'Everest. Enjeu de prestige géopolitique, la conquête du plus haut sommet fascine les pays du monde entier. Rappelons le contexte. Nous sommes dans les années 50, en pleine guerre froide, une guerre dans laquelle chaque victoire médiatique et psychologique compte. Remporter l'Everest, c'est donc prouver au reste du monde sa supériorité. C'est une victoire pour le prestige personnel, bien sûr, mais une victoire nationale avant tout. Et au petit jeu de celui qui montera le plus haut sur la chaîne himalayenne, ce sont les Britanniques qui vont atteindre les premiers sommets. Grâce à une véritable opération commando encadrée par le colonel Hunt et encadrée des Sherpas les plus entraînés, ils vont réussir à poser le pied à 8848 mètres d'altitude. Plus haut sur le globe, on ne peut pas. À leur retour dans la capitale népalaise, ils sont accueillis comme des héros. Depuis Katmandou, la capitale du Népal, premières images de la ville en pleine préparation pour la grande fête en l'honneur de ceux qui ont conquis le mont Everest. Ce succès a un caractère particulier pour les Népalais car c'est un de leurs porteurs qui a accompagné le Néo-Zélandais Edmund Hillary jusqu'à la source triomphant du sommet. Les deux hommes sont alors les premiers à être arrivés en haut. L'homme qui mettrait en premier son pied en haut de l'Everest recevrait les félicitations de tous. Mais pour le colonel Hunt, en retrait de l'opération, cette victoire est un privilège qui rendra le monde entier admiratif. L'exploit d'Edmund Hillary et de Tenzin Norgay, réalisé le 29 mai, n'est publié dans la presse anglaise que le 2 juin 1953, le jour même du couronnement de la reine Elisabeth II. Un viatique pour la souveraine, synonyme de victoire pour la couronne et pour l'empire. Et même si l'histoire fait semblant de ne pas retenir que parmi les deux alpinistes, aucun n'était un vrai Britannique, Hillary vient de Nouvelle-Zélande et Norgay du Népal, Le poids de cet événement est considérable car il va ouvrir les portes de l'Himalaya aux grimpeurs venus du monde entier. Depuis cette date, le toit du monde, comme on l'appelle, attire les alpinistes comme un aimant. Normal, c'est le plus haut, un absolu. À partir des années 60-70, grâce au progrès des équipements, les plus grands noms de l'escalade y viennent pour tenter l'exploit. L'incroyable Chris Bonington, le légendaire grimpeur du K2, l'italien Walter Bonatti, ou encore l'homme aux 14 8000 mètres, Harold Messner. Tous écrivent la légende de l'Everest. On y vient du Japon, des États-Unis, de Russie soviétique, d'Autriche. Toutes les nations veulent réussir leur exploit. Et les Français ne sont pas en reste. Déjà en 1950, Maurice Herzog avait gravi le premier sommet de plus de 8000 mètres de la chaîne himalayenne, le mythique Annapurna. Depuis, les expéditions françaises se sont succédées pour tenter d'arriver en haut du géant de glace, mais sans y arriver. Il faudra attendre l'année 1978 pour que la cordée conduite par Pierre Mazeaud et Jean Afanassiev ne place enfin un Français sur l'Everest. Cette expédition marque aussi une avancée technologique, car les alpinistes français emportent avec eux une radio qui leur permet de communiquer avec le camp de base et donc de faire vivre l'aventure en léger différé à des millions de Français qui écoutent et se passionnent pour leurs exploits. Nous sommes le 15 octobre 1978, précisément. Il est 11h. Jean Afanassiev appelle le camp de base. Les Français sont au sommet. L'Everest offre ce jour-là son plus beau spectacle, celui d'une réussite humaine, celui d'une victoire. Ce jour-là, ceux d'en bas et ceux d'en haut, tous ont le sourire. Mais l'Everest, ce n'est pas que des grandes victoires de l'homme sur la nature, c'est aussi le lieu où s'inscrivent les plus grandes tragédies de l'alpinisme. C'est pourtant un principe connu, mais aveuglé par sa vanité naturelle, l'homme refuse de l'entendre. C'est ici, dans la vallée du Shoyu, sur la route qui conduit vers l'Everest, que s'est déclenchée l'une des trois avalanches qui, de vendredi à aujourd'hui dimanche, a tué 52 personnes. Si aucun Français ne figure sur la liste des victimes, nous apprenons que 18 corps ont été retrouvés, parmi eux des randonneurs japonais et leurs porteurs népalais. Restent 33 autres alpinistes et trekkers britanniques, canadiens et allemands dont on est toujours sans nouvelles. Année après année, les victoires et les tragédies cohabitent. Les pentes de l'Everest, par endroits, sont jonchées de cadavres et de déchets, le matériel abandonné par les alpinistes fatigués. Car monter sur le toit du monde signifie arriver à une altitude supérieure à 7500 mètres, la limite fatidique où l'oxygène est rare, 30% de moins qu'au niveau de la mer. Dès lors, un masque à oxygène et des bouteilles sont obligatoires. Cette ascension demande des efforts physiques titanesques auprès d'une fatigue qui peut coûter la vie. Pourtant, ils sont toujours de plus en plus nombreux à vouloir tenter l'expérience. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la conquête de l'Everest, notre invité, le guide haute montagne François Damilano, il sera avec nous en seconde partie d'émission. L'ivresse des sommets, eh oui, monter toujours plus haut, repousser toujours plus loin les limites de la raison et du raisonnable. Mais dans quel but? Certains médecins du sport parlent d'une addiction, poussée d'adrénaline et recherche de sensations. Témoignage d'un ancien navigateur, on convertit en alpiniste de l'extrême. J'aime bien rechercher les situations où je vais être obligé d'aller chercher très loin en moi. Pour y arriver, pour arriver au but fixé. Quoi. Autrement dit, le but n'est qu'un moyen. Hein. Avant, c'était l'Atlantique, qui s'est présenté comme ça, que j'ai saisi. Maintenant, c'est ce 8000. La montagne n'est qu'un support pour accéder à un autre niveau de soi-même. Des sensations, notre cordée d'alpinistes néophytes sur l'Everest, on a eu avant même d'avoir commencé l'ascension. Et là, là, ils sont désormais tout proches du but. Parti dans la nuit du camp de base numéro 4, à 7925 mètres d'altitude, ce n'est que le 11 mai, après plus de 11 heures de marche, que notre petit groupe arrive enfin sur le sommet nord de l'Everest, le plus haut, le plus dur. Voilà 5 semaines qu'ils attendent ce moment. Il est 13h12 à ma montre, lorsque je pose enfin un pied sur la Chine et un autre sur le Népal, à 8848 mètres d'altitude. Face à moi, une vue imprenable à 360 degrés sur le monde entier. Un soleil plus proche que jamais. Plus bas, comme des êtres parfaitement domptés, un océan de nuages blancs me sépare du reste de la Terre. Après seulement quelques minutes d'observation et quelques clichés pris sur mon appareil photo, je décide qu'il est temps pour moi de redescendre, car je n'ai plus beaucoup d'air dans ma bouteille. Nos explorateurs sont désormais à plus de 8800 mètres d'altitude, plus de 25 fois la hauteur de la tour Eiffel. C'est aussi l'altitude de croisière d'un avion de ligne, comme s'ils avaient gravi 2 fois le Mont Blanc. Masque à oxygène sur le visage pour réussir à respirer, le spectacle qui s'offre à eux est fascinant. Ils sont seuls, dans le calme, livrés à eux-mêmes et à l'Everest. Seul, le croit-il, car en fait, 2 autres expéditions d'une dizaine de personnes arrivent au même moment. Et comme dans une attraction de fête foraine, il y a embouteillage. Ils vont alors perdre un temps précieux, car tous sont obligés de patienter les uns derrière les autres pour passer ce qu'on appelle le ressaut Hillary, une arête mince comme une lame qu'il faut franchir pour passer du sommet nord, le plus haut, au sommet sud, qui lui rejoint la piste pour le camp de base numéro 4. Alors, quand certains veulent descendre, d'autres veulent monter. Parmi ces gens qui se pressent, l'expédition Mountain Madness de l'américain Scott Fisher et son second, le russe Anatoly Boukreff, 2 autres légendes de l'alpinisme dont le sens des affaires n'est plus à prouver. Comme Rob Hall, ils emmènent, moyennant finance, des groupes d'amateurs au sommet. Ils ne sont ni plus ni moins que des concurrents dans cette course contre la montre qui les amène sur le toit du monde. Mais tous sont très en retard sur les horaires qu'ils se sont fixés. La faute à la fatigue accumulée, mais aussi au manque d'expérience de leurs clients. Lorsque j'atteignis enfin le sommet sud, il était 15 heures passées. À cet instant, des tourbillons de brume dépassaient le Lhotse, un autre des sommets, et venaient se nicher dans la pyramide que forme le sommet de l'Everest. Le temps ne semblait plus du tout serein. Je saisis une bouteille d'oxygène, la fixai sur mon détendeur et me hâtai de descendre au milieu des nuages qui s'épaississaient. Peu après, il se mit à neiger faiblement et la visibilité devint épouvantable. 120 mètres au-dessus, sous un ciel bleu cobalt immaculé, le sommet brillait encore dans la lumière du soleil. Mes camarades déployaient des fanions et prenaient des photos pour marquer leur passage sur le toit du monde, gaspillant de précieux instants. Aucun ne soupçonnait qu'une terrible épreuve approchait, et qu'à la fin de cette journée, chaque minute serait décisive. L'heure d'atteinte du sommet a été programmée à 14 heures par tous les chefs de groupe, sans discussion possible, que l'on soit 100 mètres du sommet ou à 1 km. Passé cette heure fatidique, il faut rebrousser chemin, autrement dit, abandonner. Bien. Mais comment annoncer à des clients qui ont payé 65 000 $ pour réaliser leur rêve qu'à quelques centaines de mètres seulement de l'arrivée, ils doivent renoncer? Pire même, comment se justifier si le journaliste qui les accompagne, en l'occurrence John Krakauer, raconte que certains clients ne sont pas arrivés en haut? Les guides Rob Hall et Andy Harris vont alors faire passer la sécurité au second plan et aller à l'encontre des règles élémentaires qu'ils se sont eux-mêmes toujours fixées. Aussi, ce n'est qu'à 17h, lorsque le dernier de leurs clients arrive, Doug Hansen, postier de Seattle et grimpeur du dimanche, qu'ils redescendent enfin. Trop tard. Sur l'Himalaya, chaque minute compte. Sachant qu'il faut entre 3h et 6h, suivant la fatigue, pour rejoindre le camp numéro 4, situé 1000 mètres en contrebas, Tous les guides savent qu'on ne passe pas la nuit à moins 50 degrés avec des rafales de vent qui peuvent atteindre les 150 km/h. Cela fait partie des règles élémentaires auxquelles personne n'échappe, encore moins Rob Hall, le guide de notre expédition. Pourtant, le fait est là, pour notre groupe de cordée, le temps perdu au sommet va compter autant que les mauvaises conditions météo qui ne cessent alors de se dégrader. Paradoxe de l'histoire, quelques années plus tôt, deux alpinistes japonais chevronnés eux aussi ont trouvé la mort dans les mêmes conditions, redescendus trop tard du sommet. Un alpiniste français présent sur place explique l'erreur commise par la cordée japonaise. Ils ont réalisé l'ascension du sommet malgré les mauvaises conditions. Mais lorsqu'on réalise une ascension, il faut penser à la descente. Et apparemment, ils ont été pris par la nuit, juste après le sommet, en redescendant, une centaine de mètres sous le sommet, et résister dans des conditions de température de moins 50 degrés, avec des vents très violents, soufflant entre 100 et 150 km/h. Pour quelqu'un qui n'est pas dans un abri, dans un igloo par exemple, c'est quasiment impossible. Mais les Japonais voulaient faire le sommet à tout prix. Phénomène aggravant, les 200 derniers mètres qui séparent les alpinistes du sommet sont ce qu'on appelle dans le milieu la zone de la mort. Zone mortelle, au sens propre, car à cette altitude, le fonctionnement des organes se détériore de façon inexorable et le temps passé à cette altitude doit être limité. De plus, l'oxygène devenant tellement rare, les risques d'œdèmes pulmonaires et cérébraux sont très élevés. Zone mortelle aussi au sens figuré. Car avec la fatigue accumulée par une marche de près de 11 heures, un froid glaçant et un air artificiel que l'on respire au masque, la moindre erreur, le moindre retard peut avoir des conséquences dramatiques. Tant d'un point de vue physique que psychique, arriver en haut de l'Everest, c'est donc arriver au bout de soi-même. Retour sur les pentes abruptes de l'Everest, où la nuit tombe. Une nuit dans laquelle, mal en point, nos alpinistes apprentis et leurs guides se retrouvent bloqués. Arrivé à court d'oxygène après une mauvaise manipulation, John Krakauer se retrouve dans une situation critique. Il va tout de même réussir à redescendre jusqu'au camp numéro 4 à bout de force. D'ailleurs, il s'effondre dans sa tente. Mais il échappe à la tempête qui va balayer les cimes. Pour le reste de son groupe, arrivé trop tard au sommet et toujours sur le chemin du retour, c'est une nouvelle épreuve de la montagne qu'il s'apprête à affronter. Haute altitude, c'est le moins qu'on puisse dire, froid glacial, le moins que l'on puisse dire également, obscurité totale sur fond de tempête de neige, le piège se referme sur eux. Mais la météo n'explique pas tout, c'est bel et bien leur retard qui était fatal. Les files d'attente au cordes fixes pour redescendre du sommet étaient prévisibles et pouvaient être évitées. Là est la véritable faute, le timing. Pourtant les guides étaient chevronnés, alors que s'est-il passé ? L'hypothèse avancée par John Krakauer fait froid dans le dos. Ce serait une histoire de rivalité entre les deux guides, oui, Rob Hall et celui de l'autre expédition, Scott Fisher, qui a contribué à faire reculer le moment du retour. D'un point de vue commercial, chaque guide a voulu faire passer tous ses clients avant de redescendre. Il y avait une question de prestige personnel, mais aussi de réussite dans le business de l'aventure. Il se trouve que Rob Hall n'avait pas réussi à atteindre le sommet la saison passée. Alors évidemment, un échec de plus aurait ruiné sa réputation et ses affaires. En pleine nuit, alors que la tempête souffle, la majorité des alpinistes du groupe de Rob Hall est encore sur les flancs de la montagne à chercher en vain la piste pour redescendre au camp, comme ceux de l'expédition concurrente. Tous sont piégés. Certains, comme le camarade de John Krakauer, Doug Hansen, vont disparaître, emportés par les vents, ne seront jamais retrouvés. D'autres, comme Rob Hall ou Scott Fisher, vont mourir de froid à 8800 mètres d'altitude. Heureusement, certains trouveront un refuge de fortune contre la paroi. Ils y passeront la nuit avant de découvrir, pour ceux qui se réveillent, que leurs voisins de la veille sont morts de froid à côté d'eux. 8 morts cette nuit-là, 5 alpinistes amateurs certes, mais aussi 3 guides parmi les plus expérimentés. Alors retenons cette pensée de John Krakauer en forme d'épitaphe. À défier la montagne, à dépasser les conditions de survie possibles pour l'homme, c'est finalement à soi-même que l'on se mesure et c'est également face à soi-même que l'on échoue. Avalanche. je ne suis pas ce bossu que tu vois. Je dors sous la montagne. Si tu veux vaincre la douleur, apprends à me servir. Me frappe par accident en poursuivant ton chemin. L'infirme ici que tu veux nourrir n'a ni froid ni faim. Il veut pas être ton compagnon, pas au centre, centre de ce monde. Vaincre la douleur, apprendre ce qui me rend gentil. Les miettes d'amour que tu m'offres sont les miettes que j'oublie. Ta douleur n'a pas de créance ici, c'est seulement l'ombre de mes blessures. Vous écoutez France Inter, cette affaire sensible aujourd'hui, l'expédition dramatique de l'Everest en 1996, dont nous allons parler avec notre invité François Damilano. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Vous êtes guide de haute montagne, donc forcément habitué des hauts sommets. Par ailleurs, vous êtes le réalisateur du documentaire On va marcher sur l'Everest, qui sort, je crois, dans quelques semaines au cinéma, c'est ça ? Voilà, qui sera présenté en avant-première aux Rencontres Cinéma de Montagne de Grenoble le 15 novembre. Donc je suis encore en montage du film. D'accord, 15 novembre, le rendez-vous est pris, je le note. Hein. Alors je précise que vous êtes accueilli à Chambéry dans les studios de France Bleu Pays de Savoie, que France Bleu Pays de Savoie soit remercié. Alors on l'a vu dans ce récit, c'est cette marchandisation de la montagne qui a conduit au drame de 1996 en ne respectant pas les règles de sécurité. Les deux guides ont eux-mêmes mis la vie de leurs clients en danger et la leur par la même occasion. Et on l'a vu avec une fin dramatique. Alors, faut-il continuer la marchandisation des hauts sommets? Faut-il continuer dans cette voie, François Damilano? Parce que d'un côté, on se dit, après tout, c'est bien que des hauts sommets puissent être atteints par des gens dont c'est pas le métier. Et en même temps, ça pose un vrai problème de sécurité. Comment répondre à autant de questions à la fois? En fait, c'est la même. Faut-il continuer la marchandisation, quoi? Faut-il continuer la marchandisation? Mais ça remet en cause fondamentalement déjà le travail de guide et la motivation même de monter sur la montagne. Il faut se rappeler que dès la naissance de l'alpinisme, dès la conquête du Mont Blanc, les premiers ascensionnistes, en particulier le cristallier Balma, étaient montés et avaient trouvé une voie d'ascension contre une récompense promise par un scientifique genevois. Donc ça met en fait en question toute la motivation et tout le questionnement de pourquoi l'alpinisme et pourquoi gravir les montagnes, si on se rappelle que de toute façon le corps humain, l'homme, n'est pas fait pour vivre en haute altitude, et particulièrement en très haute altitude, au sommet de l'Everest bien évidemment. Donc en fait c'est une question fondamentale qu'il est bien difficile à laquelle il est bien difficile de répondre en quelques mots. Oui, mais cette question-là, cette question que vous posez, quasi une question métaphysique. Que va faire l'homme sur ces sommets? Pourquoi il y va? Elle s'adresse aussi aux professionnels de l'alpinisme. Là, c'était vraiment la question, elle était adressée aux amateurs. Faut-il vraiment les emmener? Faut-il amener des amateurs montés? À partir du moment où on est guide de haute montagne, c'est de sa vocation première, de son rôle premier, que d'accompagner des gens qui n'ont pas la maîtrise et qui n'ont pas suffisamment d'expérience pour aller seuls en montagne. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a peut-être dans votre question une espèce de remise en cause fondamentale du métier même de métier de guide. Mais c'est vrai qu'en très haute altitude, on peut doubler la question, puisque on sait très bien que les conditions de vie sont encore plus difficiles. Et la première réponse, ça serait de dire que, évidemment, les très hauts sommets doivent être une espèce de parachèvement d'une formation, ne doivent en aucun cas constituer un début, mais sont plutôt l'aboutissement d'un parcours. Et le drame que vous avez souligné, que vous avez mis en onde, et qui est très bien raconté dans le livre de John Krakauer, met en exergue de trois points. Les deux guides avaient la double particularité d'être à la fois guide de haute montagne, accompagnateur de leurs clients et en même temps chef d'entreprise. Vous l'avez souligné également, ils étaient soumis à une forte concurrence entre eux. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y avait une espèce d'excès de commercialisation puisqu'ils avaient en quelque sorte promis le sommet à 100%. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, un drame n'est que l'aboutissement d'une conjonction de phénomènes. Donc quand on sait, quand on se souvient qu'il y a eu cette pression dans la tête de ces guides et qu'on rajoute un phénomène extérieur qui est l'arrivée subite, non annoncée de cette tempête, on en arrive effectivement au drame qui est un drame exceptionnel sur la montagne. Et heureusement qu'il est exceptionnel. Si moi, je veux m'inscrire demain pour gravir, peut-être pas dire l'Everest, c'est un peu ambitieux. Bah si, tiens, qu'est-ce que vous allez me poser comme question? Qu'est-ce que vous prenez comme garantie auprès de quelqu'un qui veut se lancer là-dedans? Si vous avez le désir de gravir l'Everest, vous trouverez certainement une expédition ou une organisation pour accueillir votre inscription. Vous aurez la chance probablement d'être freiné par le milieu quand même particulièrement hostile et les difficultés techniques que vous allez rencontrer. Mais tous les guides sérieux, toutes les agences sérieuses aujourd'hui vont vous demander ce qu'on appelle une liste de courses, c'est-à-dire de certifier de votre expérience, de certifier d'avoir réussi un certain nombre d'ascensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 20 ans après ce drame que vous avez mis en onde une fois de plus, l'expérience a amené les professionnels à être probablement beaucoup plus rigoureux, d'être beaucoup moins, sensibles aux sirènes de la pure commercialisation et sont beaucoup plus exigeants sur les critères d'inscription sur les expéditions de la part des clients. Et on demande, pour aller à l'Everest, généralement, d'avoir déjà participé à une expédition sur un sommet de plus de 7000 mètres. Ça veut dire de pouvoir témoigner d'une expérience en Himalaya, puisque tous les sommets de plus de 7000 mètres sont en Himalaya. Bon, alors, il faut quand même rappeler que 99 fois sur 100, ça se passe bien, heureusement. Mais enfin, vous connaissez le journaliste, on s'intéresse au train qui arrive pas à l'heure. Parce que l'histoire est tragique. Mais c'est vrai qu'on peut rappeler quelques chiffres, parce que depuis 1953, date de la première ascension de l'Everest, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont dépassé le niveau du camp de base, donc qui ont réellement tenté l'ascension. Sur ces 20 000 personnes, on estime qu'à peu près 7 000 personnes ont réussi le sommet, ce qui est une proportion, somme toute, assez importante, pour une mortalité de 200 personnes. Alors, on peut trouver que ce sont évidemment 200 de trop, mais somme toute, la statistique n'est pas si énorme que ça par rapport à ce qu'on a entendu dans le reportage. Et puis, il y a une petite précision qu'il faudrait également amener, c'est qu'il est possible de gravir l'Everest sans oxygène. Il y a à peu près 150 performeurs qui ont réussi à se passer de l'aide de l'oxygène artificiel. Et certains grimpeurs, certains alpinistes, certains guides même disent peut-être qu'il faudrait fermer l'Everest à l'utilisation de l'oxygène, et ça serait en fait un critère qui éviterait une surpopulation, une surfréquentation de la plus haute montagne du monde. Alors, on va en terminer avec ce débat du danger, et on parlera d'autres choses après, avec cette interview qu'on va écouter ensemble, c'est une archive, car en plus des touristes, les victimes collatérales de ces accidents, quand ils arrivent, peuvent être aussi les Sherpas, vous savez, ces gardiens sacrés de la montagne, les guides indispensables et infatigables. On se rappelle du tragique accident du mois d'avril, où 16 Sherpas ont été tués dans une avalanche. Écoutez ce qu'en pense Gérard Guerrier, c'est l'un des professionnels du secteur de l'alpinisme, organisateur d'expéditions. France Inter. L'Everest est un véritable enjeu économique pour les Sherpas de la vallée du Khumbu. En gros, chaque touriste alpiniste, hein, parce que ce ne sont pas des vrais alpinistes la plupart, ce sont les touristes alpinistes, va débourser une somme de 50 000 dollars à 100 000 dollars pour faire le sommet. En sachant que chaque année, vous avez à peu près entre 800 et 1000 personnes qui tentent l'ascension, vous faites le calcul, ça fait rapidement, je sais pas moi, 40-50 millions d'euros. C'est considérable au Népal, en sachant que le PIB par habitant, c'est de l'ordre de 1200 dollars par habitant, et que chaque Sherpa d'altitude, une expédition, c'est de l'ordre de 5, voire 7 000 dollars. Le Népal reste un pays pauvre, et effectivement, l'Everest est une véritable source de revenus pour les Sherpas, pour les gouvernements, ça fait vivre des vallées entières. Donc pour moi, il est hors de question qu'ils abandonnent cette manne. Quel est votre regard sur ce qui vient d'être dit, François de Milano? Je voudrais déjà revenir sur l'utilisation un peu péjorative de touristes, parce qu'on a l'impression que c'est un peu tout le monde et n'importe qui. Non, ce ne sont pas des touristes au sens de vacanciers totalement inexpérimentés et non sportifs. La plupart des prétendants à l'Everest sont des gens qui savent plus ou moins où ils mettent les pieds, et ce sont plutôt des sportifs entraînés. Donc il ne faudrait pas non plus caricaturer autour des drames la population qui tente l'Everest. Et puis la question des Sherpas, c'est la question des métiers à risque. Qui décide de faire un métier à risque, que ce soit dans nos sociétés ou dans les sociétés asiatiques, compte tenu effectivement de l'énorme apport d'argent que constitue leur profession? C'est une profession en tant que telle. Je pense que ça pose davantage la question de la redistribution de l'argent, des problématiques d'assurance en cas d'accident ou en cas de décès, comme on l'a vu ce printemps lors du drame de l'Everest qui a vu la disparition de 7 Sherpas. Et qu'est-ce qui se passe pour les familles quand le chef de famille a disparu dans un accident? Mais une fois de plus, on ne peut pas caricaturer les mauvais touristes d'un côté qui exploiteraient les gentils Sherpas de l'autre. Bien évidemment, on est dans un monde de marchandisation, on est dans un monde où le commerce existe. Peut-être qu'on voudrait que la montagne échappe à l'échange des billets de banque, mais c'est un fait que ce n'est pas comme ça la réalité de la vie. Alors, François de Milano, on va quitter le chapitre mercantile pour arriver au chapitre de l'exploit du rapport de l'homme à la nature et au côté extrême de la nature. Qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on va chercher finalement sur les plus hauts sommets, vous qui connaissez ça, d'un point de vue purement humain? D'un point de vue purement humain, il y a plusieurs motivations à pratiquer l'alpinisme. Il y a évidemment une dimension philosophique et intime, il y a une dimension sportive et il y a une dimension esthétique. Et en fait, ces trois curseurs vont être à des niveaux différents en fonction de chaque personnalité. Mais une fois de plus, on peut pas répondre en une seule phrase. Il y a un mélange de ces différentes motivations, et bien évidemment, à l'Everest, comme c'est la plus haute montagne du monde, c'est un espèce de mythe fondateur de notre culture alpine. C'est un marqueur social qui est extrêmement puissant, donc il est logique que ça attire tous les alpinistes, voire même que ça attire au-delà du cercle restreint des alpinistes. Et vous-même, vous l'avez vécu, l'Everest ? Alors moi, j'ai eu la chance de faire un reportage ce printemps versant nord, côté tibétain de l'Everest, où je me suis mis dans la trace d'une alpiniste amateur qui s'appelle Sophie Laveau et qui avait décidé de gravir l'Everest. Quand je dis alpiniste amateur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer l'alpinisme, mais qui n'est pas une professionnelle au sens des guides ou des aventuriers performeurs. Et je me suis mis dans cette position d'observateur participant en m'inscrivant moi-même à cette expédition guide et en partant avec ma caméra pour suivre au jour le jour ce qui était la réalité d'une expédition guidée sur l'Everest, sur la plus haute montagne du monde aujourd'hui, et peut-être un peu pour essayer de sortir justement de la caricature dans laquelle les grands drames ont enfermé l'image de l'himalayisme. Alors, je ne sais pas si vous écoutez de la musique quand vous êtes au sommet. J'imagine que certains prennent de quoi écouter de la musique, un casque et un petit appareil. En tout cas, en 1996, on écoutait, pas forcément sur la montagne, on écoutait, entre autres, Cosmic Girl de Jamiroquai. She was from another time, like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go? Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'ascension de l'Everest de notre invité François Damilano, guide de haute montagne à Chambéry. Vous êtes à Chambéry. On va reprendre notre discussion. Quand vous allez au sommet d'une montagne, à part le moment où vous arrivez au sommet, qui est une sorte d'accomplissement et de grande joie, j'imagine, quels sont les moments forts finalement, ne serait-ce que pour vous, d'une montée? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui à chaque fois vous donne de l'adrénaline et du plaisir? Alors le plaisir n'est pas uniquement lié à l'adrénaline. Une expédition en Himalaya, c'est déjà une grande parenthèse dans notre vie quotidienne. Pour aller gravir l'Everest, il faut certes dépenser de l'argent, mais il faut aussi dépenser 2 mois de sa vie. Il faut organiser son absence familiale, ses relations professionnelles, et puis à un moment donné, larguer les amarres et partir. C'est un petit peu comme un tour du monde en bateau, une grande transat. Et c'est un moment exceptionnel que de s'immerger dans le voyage lui-même pour aller jusqu'au pied des montagnes. Et puis après, il y a la période d'acclimatation, celle où on va habituer le corps à la raréfaction de l'oxygène, où on va aider le corps à mettre en place son métabolisme pour compenser ce manque de pression atmosphérique. Et puis, il y a l'ascension elle-même. Et l'ascension elle-même, bah, pour moi, qui suis un amateur d'alpinisme, qui suis un guide d'haute montagne, c'est aussi une plongée dans l'histoire des montagnes. Côté tibétain, je m'imaginais toutes ces grandes épopées de nos aînés britanniques dans les années 20, cherchant une voie d'accès à l'Everest. Je m'imaginais plus proche de nous tous les grands performeurs qui ont su ouvrir des nouvelles voies, comme Reinhold Messner ou comme les Suisses Loretan et Troilé dans cette face nord. Et puis il y a évidemment, on va dire, le ressort intime, ce que ça renvoie à soi-même, de sa propre fierté, de sa propre image, que de savoir que l'on a la chance de fouler l'une des plus hautes montagnes du monde, ou pour l'Everest, la plus haute montagne du monde. Et à contrario, qu'est-ce que vous redoutez? Qu'est-ce qui est redoutable pour l'homme, pour ceux qui vous accompagnent lors d'une ascension? Il y a bien, j'imagine, des moments qui sont plus difficiles que d'autres. On se dit, tiens, ça c'est un cap compliqué, faut le passer. Ah mais de toute façon, ce qui est redoutable, c'est de ne pas revenir. C'est assez... Je réponds de manière un petit peu elliptique, mais bien évidemment que nous avons conscience en la mort qui est possible en Himalaya, puisque une fois de plus, nous ne sommes pas constitutionnellement faits pour survivre en très haute altitude. Et donc, toute notre énergie et on va dire presque toute notre stratégie va être de savoir jusqu'où pousser notre abnégation, notre effort sportif, qui est indispensable pour pouvoir atteindre ces très hauts sommets, et en même temps, savoir écouter sa force de vie pour savoir faire demi-tour quand il est encore temps. Mais comment le savoir en avance? C'est une question fondamentale de ce qu'on appelle l'engagement en alpinisme. Jusqu'où on accepte d'aller trop loin ou suffisamment loin pour atteindre son objectif? Sachant que si vous réussissez, vous allez être regardé comme un héros. Et si vous regardez, on va utiliser des mots inconscience, vanité. Dans le reportage, j'ai entendu ces mots-là. Mais ça, ce sont des mots qui sont dits a posteriori, une fois qu'on a tous les éléments pour analyser une situation. Mais par définition, quand on est dans le présent, quand on est dans l'action, nous n'avons pas tous les éléments d'avenir. Et c'est probablement ce jeu avec la vie, avec les éléments et avec soi-même qui est intéressant en alpinisme, parce que ça renvoie fondamentalement à ce que nous sommes, à notre fonctionnement intime. Alors, on va écouter une deuxième archive. Alors, je sais, vous m'avez donné votre point de vue sur la marchandisation de l'exploit, mais il me paraît intéressant qu'on écoute ensemble l'avis de Pierre Mazeaud, qui fut un grand alpiniste, ministre ensuite, et lui aussi proteste contre cette exploitation commerciale de l'Everest, par exemple. Bah voilà, c'est comme ça, on va l'écouter. On a réussi un sommet qui, je répète, par la voie classique, c'est-à-dire celle qui avait été ouverte par Hilary Ettensing, est une voie très facile, hein, ça ne pose aucune difficulté technique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'Everest est beaucoup commercialisé, puisqu'il y a une multitude d'expéditions. En ce moment, ils sont près d'une quarantaine au camp de base, c'est la place de la Concorde. Contre $65,000, vous arriverez au sommet. C'est se mettre en quelque sorte dans une obligation de résultat. On dit quoi qu'il arrive, vous ferez le sommet. Donc je veux dire, on dénature vraiment et l'esprit et les conditions même de l'exercice de la montagne ou de l'Himalaya, quoi. Avec aménagement de la montagne que je critique très sévèrement, car je suis retourné à l'Everest et j'ai vu les Sherpas qui équipaient en corde fixe du bas, c'est-à-dire du glacier de Khumbu, ce qu'on appelle le camp de base, jusqu'au sommet. Alors, l'Everest des sommets, quoi, c'est un cliché ou pas? Oui, c'est en partie un cliché, parce que je pense que l'on confond la motivation, la recherche d'adrénaline que va procurer tout sport extrême, entre guillemets, ou tout sport de pleine nature, qui peut pousser son pratiquant à aller chercher des sensations plus fortes ou plus nouvelles à chaque expédition, à chaque expérience, et c'est pas propre à l'alpinisme, avec l'expérience très particulière de l'hypoxie, c'est-à-dire cet état dans lequel le corps est quand il manque d'oxygène. Hein, une fois de plus, il faut bien s'imaginer qu'au sommet de l'Everest, il nous reste à peu près 20% de capacité de capter l'oxygène. Si on vous enlève, vous, du jour au lendemain ou immédiatement 80% de votre oxygène, vous mourrez immédiatement. Donc on est dans un état hypoxique qui est très particulier et que l'on peut assimiler à l'ivresse de l'altitude, qui a été assimilé à l'ivresse de l'altitude dans une grande littérature. Mais on ne peut pas dire que ce soit ça que l'on ressent. Quand on est au sommet de l'Everest, comme moi j'ai été au sommet de l'Everest donc ce 25 mai, j'étais surtout préoccupé par ce qui se passait à ce moment-là, par ce qui se passait autour de moi. Certes, j'y étais avec une caméra, donc je cherchais à témoigner, mais j'étais surtout très préoccupé par organiser la descente, ne pas rester trop longtemps et rester en vie. Ce qui est bon en alpinisme et dans l'himalayisme, c'est de redescendre de la montagne. Très bien, en tout cas, merci beaucoup François Desbulano pour votre témoignage et aussi, bien sûr, votre expertise. Au revoir, merci. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui les naufragés de l'Everest. Merci aux documentalistes de Radio France. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.